3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Sub no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. On va refaire la célébration. Pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle des... New York. Voilà, là, les SMR tout pourri. Bon, pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle des New York Knicks. Ils ont gagné cette semaine, ils ont la fête. Tu me fais peur, Sepp, quand tu agis comme ça, tu me fais peur. Bon, tu vas bien? Oh bah écoute, 4-0, 4-0, 1-4-0. Et la seule fois où tu le pronostiques pas, on fait un 4-0. Tu les pronostiques plus jamais, d'accord? C'est terminé. Voilà, à chaque fois tu dis qu'on est en négatif, et puis voilà, on fait 4-0, on a trouvé la solution, non, c'est bon, c'est facile. J'ai pas dit qu'on était en négatif, je crois en CNX. J'aurais aimé qu'ils cartonnent, qu'ils dominent en ce début de saison régulière, mais ils gagnent des matchs, ils sont pas si mal classés que ça. À pression, une saison régulière c'est long, on en est qu'au tout début. Et ça va être l'épisode 137 aujourd'hui, et oui, 137e épisode de votre hebdomadaire ou quasi à Phoenix Week sur KNF TV. Vous le savez, il y a beaucoup de choses à se dire, on va pas perdre de temps, on va lancer un petit jingle et puis installez-vous bien, popcorn, chips, ce que vous voulez, et puis on est parti pour un nouvel épisode sur KNF TV. Allez, let's go, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Alors les Knicks nous font kiffer, mais ils font kiffer pas mal de monde. Il y a même un fan qui s'est fait tatouer sur le dos un petit Mont Rushmore avec les joueurs de son choix. Hein. C'est sa sélection, c'est personnel. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec ce Mont Rushmore, les plus grands joueurs des Knicks. Est-ce qu'on aurait Jalen Brunson déjà? Bah écoute, il prend le chemin quand même. Hein. À force de faire des cartons et tout, de performer et d'emmener l'équipe là où on ne sait pas jusqu'où, hein, peut-être en terre promise, et oui. Et bah oui, il va faire partie de ce gratin légendaire, de cette franchise légendaire qui sont les New York Knicks, hein. NYC, NYK, vous connaissez. Et donc, bon, si vous n'avez pas envie de vous faire tatouer les Knicks sur votre corps, parce qu'on comprend que l'épiderme, c'est quand même précieux, on n'en a qu'un, peut-être que vous aurez envie, cette saison, de découvrir et de arborer le nouveau t-shirt de l'association. C'est parti, oui, on est en train de faire le reveal du nouveau visuel de ce t-shirt aux couleurs des Knicks, oui, avec quelques petites touches de Madison Square Garden, on parle de Knicks Lover Association, on vous révèle ça un peu en mode calendrier de l'Avent, au compte-gouttes, on ouvre les cases, on ouvre un petit peu les panels, les panneaux du Madison Square Garden, et on découvre qui fait partie de ce visuel. Pour l'instant, on a révélé quelques noms, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, on va révéler ça pendant tout le reste de la semaine. On va pas pousser le vice à aller jusqu'au 24 décembre, hein, ça ferait loin quand même, on a pas 24 joueurs à honorer. Vous avez remarqué que c'est les joueurs de la saison actuelle, mais qui y aura-t-il sur ce visuel? Et ben, vous allez le découvrir au fur et à mesure, et puis d'ici la fin de la semaine, on aura la composition complète pour découvrir le visuel. Un t-shirt qui est accessible dans la formule starter, je crois. Oui, starter, c'est ça. De l'adhésion à l'association. Il reste encore des possibilités pour s'inscrire, pour renouveler votre adhésion ou prendre l'adhésion à l'association Knicks Nation France. Tout ça est sur notre site web et on vous donnera tous les détails aussi pour pouvoir vous le procurer. Voilà, voilà. Et puis, on parle d'association parce que cette semaine aussi, on a un événement. La KNF Viewing Party de décembre arrive parce que oui, ça y est, on est en décembre. Ça sera dimanche au Hideout à partir de 17h30, oui c'est ça, pour un lancement du match en prime time à 18h. Une belle affiche encore, le Orlando Magic. On a perdu déjà deux fois, jamais 203, non. Peut-être que là, on va gagner, du moins j'espère. Mais pour sûr, on va passer une très très bonne soirée en votre compagnie. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. L'association, c'est ça. C'est des événements, c'est des rassemblements. Et c'est toujours passer du bon moment ensemble. Du bon moment, je crois que les Knicks en ont passé cette semaine. En famille aussi. Et oui, c'était Thanksgiving, la fête pas nationale, mais traditionnelle américaine, où on mange de la dinde, on mange quoi? Des tartes à la citrouille, on mange quoi d'autre? Des marrons? Noix de pécan, là, je crois qu'il y a pas... Ouais, tarte aux noix de pécan, c'est plutôt pas mal ça. Hein? Dites-nous si vous aimez la tarte aux noix de pécan, si vous voulez qu'on vous en fasse pour dimanche pour la viewing party. Ou si vous voulez ramener une tarte aux noix de pécan, vous avez le droit aussi, hein, ou de la tarte, pourquoi pas. En tout cas, c'est la fête traditionnelle américaine. La NBA était de relâche, était un peu en vacances. Les joueurs ont pu profiter de leur famille, ont pu sortir les petits plats dans les grands, et puis ont pu se faire plaisir gustativement. Et voilà, de Thanksgiving à la diététique, il n'y a qu'un pas. Quelle belle transition que je vous trouve là. Parce que Bravo. Gershon Yabusele, est-ce qu'il fête Thanksgiving? On l'espère pour lui, parce que pourquoi pas, hein, il faut s'acclimater au pays. Il est revenu aux États-Unis depuis 2 saisons. La saison dernière, vous le savez, il jouait à Philadelphie, cette saison avec les Knicks. Il joue plus ou moins. Il est souvent très observé par la communauté française, des fans de NBA. On se demande pourquoi il joue si peu. Et semble-t-il, certains ont émis l'hypothèse qu'il serait en surpoids, un problème physique qui freinerait ses performances. Alors Gershon s'en est expliqué via le journal L'Équipe et via une interview, bref, un entretien qu'il a donné au journal L'Équipe en disant: mais c'est n'importe quoi. D'abord, je préfère vous indiquer que je fais le même poids que l'année dernière, voire peut-être un petit peu moins. L'année dernière, c'était pas un problème, mon poids. Alors pourquoi ça serait cette saison? Voilà, il a essayé de dégonfler, pas la citrouille, mais l'incendie. Non, il n'y a pas de problème de surpoids. Gershon est en forme. S'il joue peu ou moins bien, ou qu'il n'a pas un niveau de performance qui correspond aux attentes des fans et aussi de ses attentes à lui, bah voilà, c'est parce qu'il y a une adaptation qui n'est pas si évidente que ça dans le jeu de Mike Brown, dans la nouvelle équipe, dans le nouveau dispositif. Oui, la saison dernière, il a performé. Mais bon, dans le bourbier qu'étaient les Philadelphia Sixers, c'était peut-être plus facile d'émerger, on va dire. Alors que là, côté Knicks, il y a de la concurrence, c'est pas simple, c'est pas simple. Donc voilà, bon, cet argument de méforme physique, il a tout de suite rétorqué que ce n'était pas le cas, même s'il fait partie des joueurs listés les plus lourds de cette ligue. Voilà, il a toujours été un petit peu costaud, notre ami Gershon, n'est-ce pas, Oui, Seb? oui, ça a été, c'est un peu son. Il a des Son gros. morphotype. Exactement, il a des gros os, comme on disait avant. Ouais, c'est un gros squelette. Un gros squelette. Ah, il est joufflu du fessier. Hein, on est d'accord, il est joufflu du fessier. On le voit, on le sait. Ça doit aider à permettre de prendre un peu de place dans la raquette pour accéder au panier. Bon, accéder au panier, bah, il y a un autre joueur, il y a eu d'autres discussions, il y a eu d'autres sujets qui ont un petit peu fait couler de l'encre ou ça sur Internet et un peu sur les réseaux sociaux. Qui c'est? C'est l'homme de verre, Anthony Davis. Eh ben oui, et tout ça un peu a été attisé, ou un départ d'incendie, on va dire, sur la twittosphère, par un certain Yann Begley. Eh ben oui, l'insider pourtant réputé et sérieux, réputé pour son sérieux de son travail, a indiqué que pourquoi pas les Knicks pourraient être à l'affût, du moins vigilants, sur le dossier Anthony Davis. Alors Anthony Davis, il n'a pas encore rejoué avec les Dallas Mavericks, hein, début de saison. Encore une fois, en pointillé avec Heidi. Et pourquoi pas une équipe qui serait tentée de faire un trade déjà. Alors, il l'avait fait venir contre Luka Doncic avec un certain Nico Harrison. Nico Harrison n'est plus. Et voilà, gros contrat, joueur qui joue en pointillé. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de l'équipe? Et les Knicks pourraient être intéressés. Du coup, ni une ni deux, les rumeurs ont tourné en direction, les regards ont tourné en direction de Karl-Anthony Towns, parce que Karl-Anthony Towns, l'intérieur star, All-Star, All-NBA la saison dernière des New York Knicks, bah, est pas non plus dans la meilleure forme sportive de son début de saison. Et accessoirement, il a un contrat bah, qui se rapproche très fortement du contrat de Anthony Davis. Il reste 3 saisons, des montants qui avoisinent ou qui dépassent légèrement les 60 millions, légèrement, hein. Les 60 millions de dollars la saison. Voilà, il pourrait y avoir une tentation de faire un swap, voire d'associer quelques assets pour échanger les deux joueurs. On ne s'était pas exprimé dessus la semaine dernière sur le précédent épisode parce qu'on avait enregistré le dimanche et que tout ça est monté en flèche, monté en pression, monté en buzz le lundi. On revient dessus du coup en ce lundi, en ce nouvel épisode. Bon, Anthony Davis contre Karl-Anthony Towns. On sait, Seb, que t'es pas le plus grand fan de Karl-Anthony Towns. Est-ce que tu es le plus grand fan d'Anthony Davis? Est-ce que tu aimerais? Tu penserais qu'un swap, un trade d'un joueur pour un autre, ça serait une bonne idée côté Knicks? Mais en fait, si t'as Anthony Davis qui joue, Ah oui. clairement, c'est une upgrade de malade. Et si tu l'as, uniquement contre Karl-Anthony Towns, tu te dis, mais c'est une superbe affaire. Mais t'as dit s'il joue. Voilà, comme t'as remarqué, j'ai dit, mais s'il joue. Et le problème, c'est que ben, Pepper, il joue pas, quoi. Et il joue pas des masses. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu, tu vois, je vais regarder, tiens, là, sur Basketball Reference, un petit peu, là. Ces saisons en pointillé, Anthony, pas mal d'absence. Anthony Davis, tu vois, sur... Là, actuellement, il est né à... bon, l'année dernière, à Dallas. Donc, il jouait 42 matchs sur 42 avec les Lakers. Bon, il arrive à Dallas, il a joué 9 sur 9. Bisous, Beko, on tire rideau. Là, pour l'instant, avec Dallas, il en est à 6 matchs joués. Et eux, on en joué combien, les Dallas Mavericks? Eh bien, ils en ont joué, donc, ouais, 6 pour 15, 21. Donc, et on peut faire ça pour chaque saison. Donc, oui. Si c'était qu'une saison, si c'était un passage épisodique... La saison 2024-2025, il en joue 51. La saison 2023-2024, bon, il en joue 76 avec les Lakers, mais avant ça, 56, 40, 36, 62, 56. Non. On sait que c'est un fragile. Non. Dans non. la catégorie injury prone, il se classe dedans. Ouais. Quand c'est pas les genoux, c'est les yeux. Quand c'est... Ouais. Voilà. En fait, quand il joue, il est tellement fort et on passe voyer la face. Si demain tu remplaces un Anthony Davis en forme à la place d'un Karl-Anthony Towns en forme, évidemment qu'en fait on y gagne et même là on se positionne franchement comme équipe sérieuse et vraiment prétendante. Mais non, moi je préfère 100 fois un joueur qui joue qu'un joueur qui joue pas et juste sur un blaze. Donc le problème c'est que tu vas faire un trade pour lui, mais donc en fait d'un coup tu vas devoir te passer souvent de lui. Donc dans ta rotation intérieure tu auras Mitchell Robinson, mais on sait que c'est le plus fragile, il est plutôt fragile. Donc il peut te claquer dans les pattes également. Donc en fait tu peux trader en te disant ah c'est la bonne affaire, allez je monte pour Anthony Davis. Sauf que lui il va se péter, Mitchell Robinson va se péter, et donc ta rotation intérieure ça sera Hugues Portier et Abouzélé. Peut-être que ça sent pas la meilleure idée. Hein. Begley disait, les Knicks sont en train de surveiller, monitorer la situation. Il va pas partir en mode buyout. Hein. Le Eddy, il reste 3 ans de contrat, ça monte jusqu'à les 60 000. Buyout au on minimum, est sur un contrat comparable. Ouais, effectivement, au minimum. Bon, en tout way contract éventuellement. Non, mais voilà, on est d'accord que... Et puis, accessoirement, Eddy, il a quelques années de plus au compteur. Il approche les 33 ans. Il est légèrement plus vieux que Karl-Anthony Towns. Les blessures, avec l'âge, ça ne devrait pas aller de moins en moins. Ça risque d'être plutôt de pire en pire. Donc, clairement, la fausse bonne idée. On n'est pas dans un projet, on n'est pas dans une timeline où on est dans la reconstruction. Là, le collectif, il est abouti. Il y a un nouveau coach, il y a quelques joueurs qui ont été ajustés à l'intersaison sur le banc. Non, là, le groupe, il est complet, il est mature. Il faut qu'il aille au bout de ce qu'il peut proposer. C'est pas pour retouche en boulet maintenant. Ça aurait quoi, aucun sens. Moi, Karl-Anthony Towns, il a des défauts. Anthony Davis a d'autres défauts aussi. Certains, ils n'ont pas les mêmes qualités. On aura peut-être un meilleur shooter en la personne de Karl-Anthony Towns. On aura un meilleur défenseur en la personne de Anthony Davis. Anthony Davis, est-ce qu'il veut jouer poste 4 ou est-ce qu'il veut jouer poste 5? Et voilà, il a toujours préféré plutôt se remettre à un poste de 4, mais ses coachs ont plutôt tablé sur lui pour un rôle de 5 défensif. Bon, voilà, je pense que ça a attisé un petit peu la curiosité. Certains sont prêts à envoyer Karl-Anthony Towns dans le Texas. Ça ne serait pas une mauvaise destination pour lui, clairement. Mais je pense qu'on n'a rien à y gagner côté New York à récupérer un Anthony Davis qui est très incertain. La qualité première d'un joueur, c'est... Voilà. On a déjà OG Anunoby qui a des fragilités. La saison dernière, il était relativement épargné. Cette saison, voilà, on va voir. On a un Mitchell Robinson qui est toujours délicat à faire jouer, à construire un jeu autour de lui. Bon, Karl-Anthony Towns, il y a des petits bobos, mais c'est pas ça encore qui pose problème. Donc non, on n'est pas besoin de rajouter un joueur incertain. On peut compter sur lui, pas compter sur lui. Quand il est là, on joue comment avec lui, et quand il est pas là, on fait comment du coup? Non. Aujourd'hui, Jalen Brunson, certes, il arrive à performer avec ou sans un grand Karl-Anthony Towns. Est-ce qu'il a besoin d'un Anthony Davis à ses côtés pour exceller? Je crois pas. Donc Non, on a l'effectif qu'on a. Il n'y a pas de raison de s'affoler d'aller chercher un Anthony Davis. Non, non, non. Non. Ça, c'est peut-être pour faire monter les enchères. Une stratégie côté Dallas, mais désolé, ça prend pas avec nous. Voilà. Ça prend pas avec nous, mec. Non, non, à d'autres, à d'autres. Envoie-le, je sais pas, à Chicago, peut-être. À Chicago. Voilà, il est Chicago en notre Anthony Davis. Donc, il serait peut-être content de retourner là-bas pour essayer de faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Allez, nous, on va s'intéresser à nos vrais joueurs et pas des joueurs hypothétiques sur un scénario touquet en mode science-fiction. On va s'interroger à nos joueurs qui sont un peu fragiles en ce moment. Eh ben oui, on a Landry Shamet et OG Anunoby qui manquent à l'appel en ce moment. Dommage parce que bah, les deux faisaient un bon début de saison tout de même. C'est des éléments clés de la rotation de Mike Brown. C'est grâce à eux aussi s'il y a eu des succès en ce début de saison régulière. Eh bien voilà, OG Anunoby, on a un peu des nouvelles. Il reprend le chemin de l'entraînement. Semble-t-il, les Knicks ne vont pas se précipiter sur son cas. Et en même temps, les Knicks gagnent en ce moment, donc il n'y a pas de raison d'affoler le calendrier d'un retour. Landry Shamet, bah ça y est, on le retrouve. On le retrouve où? Sur le banc des Knicks. Oui, oui, mais pas en sortie de banc. Non, plutôt pour applaudir les copains. Donc doucement sur les gestes de célébration. Hein. Va pas faire le fou avec ton épaule. semble-t-il, on parle d'une réévaluation, en tout cas, de sa blessure. À la fin du mois de décembre, peut-être dans la semaine entre Noël et le premier de l'an, à voir. Ça veut dire est-ce une réévaluation, ça veut pas dire un retour à la compétition. Est-ce qu'on aura droit à la magie de Noël, tu vois, pour... Ouh, la bonne année, bonne santé, au mois de janvier, tu reviens avec une épaule toute prête à envoyer des ficelles derrière la ligne à 3 points, à voir. Pour l'instant, il n'y a pas d'opération, c'est plutôt une rééducation naturelle. Bon, c'est pas la première fois qu'il se démet. Démonte l'épaule, c'est pas la première fois qu'elle se remet en place. À voir, c'est pas le gabarit le plus costaud du haut du corps. Il faudra voir les missions défensives qu'il peut prendre et éviter de se prendre des tampons comme il a pu s'en prendre un contre le Magic. Hein. C'était le Magic exactement. Qui s'est blessé. Wendell Carter Jr. qui lui pose un écran assez sévère. Et qui ne s'est pas, par contre, démonté face à André Drummond lorsque l'autre s'est mis en garde lors de l'opposition face aux Sixers. Mais voilà, bon, nos blessés, ben, ils ne sont pas de retour pour tout de suite. Est-ce que c'est grave, docteur? Ben, ça n'empêche pas les Knicks de bien jouer en ce moment et d'avoir tout de même de la profondeur d'effectif, même si les rotations ne vont pas non plus jusqu'à 12 joueurs. Mais il y a quand même un petit peu de matériel sur le banc. Et bah justement, les Knicks se sont plutôt bien comportés cette semaine et ils se sont bien comportés en Cup. Et oui, la NBA Cup, c'est la troisième édition. Ouais, ils sont bien comportés en Cup. Vous avez eu un très bon comportement, bravo. Ouais, bravo à vous. Pas être content. Bah non, mais comment ne pas être content de la semaine des Knicks? Il y avait des matchs qui montaient en opposition crescendo. Et globalement, tous les tests ont été passés avec succès. Un test attendu et important, c'était la qualification possible pour la troisième saison consécutive en Cup. Et ben oui, les Knicks ont fait la triplette. Ça y est, ils passent, ils sortent des matchs de groupe. Alors bon, tout le monde n'est pas non plus fan de cet dispositif de la NBA Cup. Et ben, force est de constater tout de même que les Knicks jouent le jeu et que les Knicks nous propose du bon spectacle. Il y avait un match un petit peu à la muerte, la match de la qualification face aux Milwaukee Bucks. Si les Knicks s'imposaient face aux Bucks, ils se qualifiaient et ils éliminaient qui? Ouais. Le champion en titre, parce que oui, il faut s'en rappeler, les Bucks ont gagné cette compétition il y a une saison. Si les Knicks se perdaient, et ben c'était eux qui se faisaient éliminer et le Miami et les Bucks pouvaient se qualifier. Bon, au final, ils se sont imposés. Heureusement, il y a eu un autre succès un petit peu plus tôt dans la semaine face aux Hornets. On va redétailler tout ça. Ce qui fait qu'on a décroché le pompon, le ticket pour les quarts de finale. Oui, c'est ça, quart de finale, quart de demi et demi-finale. Donc, il est possible que les Knicks aillent jouer à Vegas. On verra si ça va à Vegas cette saison. Ils ne l'ont pas fait encore jusqu'à présent. À chaque fois, ça a buté en quart de finale. La saison dernière, on avait perdu contre qui? Atlanta, je crois, non? C'était pas Atlanta qui nous sort la saison dernière. Et puis la saison d'avant, je sais plus qui. On n'a jamais réussi à aller jusqu'à se glisser à Vegas. Je peux te ressortir cette info. Parce qu'il y avait ce fameux triangle là, qui jetait les dés là, sur le parquet là, du Garden. Il me semble que c'est la saison dernière. J'ai un souvenir que je n'ai pas voulu trop garder. Bon, est-ce que cette saison, ça sera la bonne saison? Non, on verra. Alors, ils sont partis. In season tournament l'année dernière, ouais, on perd contre le 11 décembre contre les Atlanta Hawks. On avait gagné tous nos matchs. On avait gagné contre Philly, on avait gagné contre Brooklyn, on avait gagné contre Charlotte et contre Orlando. Et on perd contre Atlanta. Ouais, c'est ça. On perd contre l'Atlanta à la maison contre eux. Eh oui, dommage. 108. Et la saison d'avant, je vais te dire. La saison d'avant, on perd contre Milwaukee, on gagne contre Washington, on gagne contre Miami et on gagne contre les Charlotte Hornets. Et on perd contre les Milwaukee Bucks 122-146. Voilà. Donc voilà, il y avait un petit contentieux avec les Bucks en Cup, faut croire. Mais cette fois-ci, on a vaincu le signe indien, je sais pas comment on dit. Ouais. Ouais, bon. Mais en tout cas, on sort à chaque fois des poules, mais on perd derrière immédiatement. À voir si, justement, cette fois-ci, on va arriver à... Est-ce que Mike Brown va ramener un trophée cette saison? Eh, t'imagines, on gagne la NBA Cup, là? Alors bon, ok, C'est on en pense ce qu'on en veut, mais bon, maintenant ça fait un trophée de plus dans la saison qui compte. Bah écoute, t'imagines, bah c'est... ah voilà, là où Thibodeau n'aura pas réussi, est-ce que Mike Brown va emmener les Knicks à Vegas, là, ou déjà emmené à Abu Dhabi? J'ai envie de te dire, là où beaucoup de coachs n'ont pas réussi. Genre, Mike Brown ramènerait un trophée à New York. Parce que, voilà, on parle des grands coachs de cette ligue, mais regarde par exemple aussi Popovich, jamais il a gagné la NBA Cup. Alors, Pat Riley, jamais il a gagné la NBA Cup. Phil Jackson, jamais il a gagné la NBA Cup. Expostra, la lose. Ah, bah, ils sont encore en course avec le Orlando Magic. Ouais, mais pour l'instant, jamais. Oui. Mais voilà, dans les équipes qui restent dans la conférence Est, parce que ça se joue encore en tableau de conférence avant d'affronter le champion ou pas de la Cup qui sortira à l'Ouest, mais il reste encore donc le Magic, le Heat et les Raptors avec les Knicks. Donc voilà, des équipes aussi qui sont en forme en ce début de saison. Il faut voir cette compétition effectivement comme une compétition au sein de la saison régulière, mais qui un peu met en avant les équipes en forme du moment. On n'a pas les Cavs. On n'a pas les Cavs encore cette saison, on n'a pas les Bucks se sont sortis. Ouais, c'est intéressant de voir un petit peu comment les Knicks vont s'en sortir. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Vegas? C'est à prendre, c'est toujours intéressant. Ça peut aider aussi les équipes à jouer dans un contexte de match à enjeu. Et ce match qu'on a eu cette semaine, ce deuxième match qu'on a eu au Garden, bah, c'était exactement ça. On va pouvoir le débriefer dans un instant. Mais voilà, il faut prendre ça comme des matchs à enjeu, des affiches plus prestigieuses, plus sympathiques. Vaut mieux voir un Knicks Raptors, un Knicks Magic, pourquoi pas, qu'un Knicks Nets. Hein, j'ai envie de dire, on n'a pas la même spectacle qui est proposé. Bon. En parlant de spectacle, eh ben on a eu 4 matchs cette semaine, 4 victoires. Il y avait des matchs à l'extérieur, il y avait des matchs à domicile. On a commencé la semaine avec un match quasi à domicile, les Brooklyn Nets. Hein, on entendait des MVP pour Jalen Brunson. Bah oui, ça venait pas des fans des Nets. Hein, ça... On peut s'en douter. Alors, on entend beaucoup de MVP dans différentes salles. Mais là, à Brooklyn, forcément, ils n'ont pas fait beaucoup de voyages. Et là où j'ai été surpris aussi, on en parlera après, c'était à Charlotte aussi. Hein. Ça a chanté beaucoup, Nix. Il y a des fans des Knicks. Bon, forcément à Brooklyn, on en retrouve à Orlando, on en trouve à Washington, on en trouve à Charlotte. Ouais, il y a des endroits comme ça, un petit peu. On se dit, mais pourquoi autant? Les Knicks fans sont partout. Et on est bien placé pour le dire. C'est vrai. Bon, ce match face aux Nets, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Trop facile? Ouais, en plus, ils étaient diminués, ils n'avaient pas Cam Thomas dans leur équipe. Michael Porter Jr., ça arrose, mais c'est pas toujours joli. Ouais, ça arrose, ouais. Ouais, ça arrose pas mal. Non, c'était... C'est... Un blowout. Il y a 13 points d'écart à la fin, mais match sur lequel les Knicks étaient inquiétés, là, qu'on était quasiment retour à la maison. Bon. Ben, si tu regardes, tu gagnes deux cartons, ils en gagnent deux. Mais le troisième, 38-27, c'est là où tu fais ton écart. Et puis après, c'est en mode cruise control. Oui, voilà, avec... Une victoire sans forcer. Non. Je vais tenter de dire. un match où on n'avait pas Mitchell Robinson. Donc non. Là, c'était, il était malade. Bon, pas de blessure, un petit rhume des foins, ça peut arriver. Et on avait du coup un starting 5, bah, forcément sans Mitch. 4 repositionnés au poste 5. Et après toutes ces rumeurs, toutes ces histoires, on le trade ou pas contre AD, il n'était pas très en forme sur les matchs précédents, il se cherchait un peu en termes d'adresse. Et ben là, on a une masterclass, on a une belle production de la part de Karl Anthony Towns. Alors bon, on va la nuancer parce qu'on va dire que c'était que les Nets en face, que Clooney, Claxton, bah, c'est pas les plus grosses oppositions qu'il peut avoir dans la ligue. Non, ceci sûr. Dit, il finit avec une très belle ligne de stats tout de même, hein, 37 points en 33 minutes et un beau 14 sur 20 au shoot, 3 sur 4 à 3 points, voilà, sans forcer, 12 rebonds à côté de ça, 3 passes. Bon, et ben, si on pouvait avoir ce Karl Anthony Towns un petit peu plus régulièrement dans cette saison régulière, ça serait bien pour tout le monde et on n'aurait peut-être pas des scénarios de science-fiction de trade. Bon, victoire au bout, bien secondé par un qui Jalen Brunson, hein, 27 points, 10 sur 19, 4 sur 9 au shoot, à 3 points. Josh Hart, dans le 5. McBride, dans le 5. Et ben, ça marche plutôt bien, même si McBride, Deuce, pour les intimes, il se fait plaisir à shooter. Hein, il prend ses tickets shoot plus que ce qu'il faut, des fois même. Mais bon, en sortie de banc, on a un Clarkson à 12 points en meilleur marqueur. Un Kolek qui joue 17 minutes en relais de JB. Un Gershon... Petit Gershon, 3 points et 12 minutes. C'est l'essentiel de la rotation. Il y a eu un Hugues Portier qui était là en backup de Mitch, parce que Mitch n'était pas là. Bon, 4 rebonds. Sinon, pas d'autre chose à mentionner dans la ligne de stats en 13 minutes. Hein. Hugues Portier, compliqué, parce que bah, voilà, on fait appel à lui quand il y a besoin, quand il manque du monde. C'est ça. Bon, un match face aux Nets, on attendait une victoire. On attendait ce résultat-là. Ensuite, déplacement pour la Cup. Et oui, c'était le parquet de la Cup. Alors, chez les Hornets, ça pique les yeux. Hein. Les couleurs, les choix. Encore, le parquet, ça va. C'est leur maillot jaune, dégradé jaune et orange. Là, je comprends pas. Passons. Match de Cup face aux Hornets. On l'a dit, on joue souvent les Hornets en Cup. Ouais. Est-ce que la Melo Ball allait donner des soucis, allait faire des cauchemars face aux Nets? Bah là, c'est encore un blowout. Hein. 129-101. L'écart est encore plus grand que face aux Nets. On est censé augmenter en adversité. Bah, on augmente un petit peu les scores en fin de match. Là, retour de Mitchell Robinson, mais retour de Mitchell Robinson en sortie de banc. Eh oui, alors bon, peut-être qu'il était en délicatesse, peut-être qu'il n'était pas complètement en forme, ou peut-être que tout simplement Mike Brown, le coach, commence à voir une autre formule, une formule qui marche, une formule où Karl Anthony Towns serait peut-être plus à l'aise. Je dirais. 19 points. 19 points pour 4. 19 points, 10 rebonds, mais pas un shoot à 3 points. Bon, ok. Qui a performé sur ce match? Le captain. Ouais. JB, Jalen Brunson. En même temps, Jalen Brunson, il performe à tous les matchs en ce moment. Donc, c'est pas tout le temps lui le meilleur scoreur, parce qu'il laisse un petit peu pour les copains, mais c'est souvent lui quand même. Hein. Je crois que c'est dans ce match... Si mes souvenirs sont bons, un troisième carton de malade où il marque 16 points d'un carton, je crois que c'est dans celui-là. Hein. C'est. J'hésite entre celui-là ou. Ouais, je crois que c'est celui-là. Où le troisième carton, il le prend à son compte et puis. Il a été très bon. Et à un moment, il active le mode attaque. Et il enchaîne des shoots compliqués, mais qui met... À mi-distance, là. Il a son petit move maintenant à mi-distance, tu sais, un peu en fade away, là. Et ça fait mouche à chaque fois. Et dès que tu vois qu'au début du match, quand il le fait, que ça rentre, ah, tu sais que tu vas passer une bonne soirée, normalement. son petit step back est assassin et maîtrisé à la perfection. Donc voilà, les problèmes de cheville, on oublie, il n'y en a plus. Hein. Il n'a pas non plus les chevilles qui enflent, notre ami JB. Voilà, une belle prestation de sa part. Ouais. Et puis bah, globalement, un 5 majeur, tous en double digit. On n'a que Mikal qui a 18 points. C'est lui le plus petit scoreur du 5 de départ. Mais autrement, une belle production. On a un McBride qui est plutôt propre. Hein. 19 points en 39 minutes. Gros temps de jeu, grosse utilisation. 6 sur 8 au shoot, 5 sur 5 à 3 points. Ah bah oui, bah quand on loupe pas de 3 points, forcément ça devient plus facile à marquer. Globalement, sur ce match face aux Hornets, une adresse insolente d'Enix à 3 points et aussi une belle adresse à 2. Impossible de perdre ce match dans ces conditions-là, quoi. Non. Match de Cup, est-ce qu'ils étaient surmotivés par la Cup? Je ne sais pas, difficile à dire. Ils ont l'air d'être appliqués, ça marche plutôt bien. Et cette formule, finalement, ce 5 de départ, cette line-up avec un McBride, un Deuce en relais défensif de Brunson dans le backcourt, eh ben c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Ça permet aussi de récupérer des ballons. Il y a pas mal d'interceptions sur ce genre de rencontre. Ça redonne des secondes chances. Voilà, ça met la pression sur une faible équipe des Hornets. Et donc, un succès facile en cup qui permettait d'envisager une qualification, surtout avec ce gros écart. Avec en face un LaMelo Ball, bon. Moi, je suis pas son plus grand fan non plus. Hein. Je trouve que changerait pas Karl Anthony Towns contre la Melo. Non, mais je trouve que c'est un peu trop poulet sans tête. C'est la street quoi. La Melo Ball. Tu vois la Melo Ball. Tu vois dans les années Isaiah Thomas. Tu vois, il aurait été nickel lui dans les Knicks. Des années là. Mais je pense pas que tu puisses construire autour de ce mec-là pour espérer quoi que ce soit. Je le trouve inconstant. Et puis, ok, des fois, il va te faire des passes. Mais voilà, c'est fantasque, en fait. C'est de la machine highlight. Mais je sais pas si c'est... Puis ça inspire pas un leadership au niveau de l'équipe, tout simplement. Là où c'est censé être la tête d'affiche de l'équipe, le franchise player, bon, c'est compliqué. Il y a eu des blessures aussi assez récurrentes. Et puis voilà, il porte pas spécialement son équipe. Le rookie a déçu. Tu vois, je voulais voir leur rookie là, Con Knuppel, le bro de Cooper Flagg. Tu vois, 2 sur 12 au tir, 0 sur 7 à 3, il a été en difficulté le pépère, hein, ça, compliqué. Eh ben écoute, on va pas s'en plaindre. Bon, après ce match de cup, retour à la maison, ça y est, les Knicks reviennent à New York, ça c'est un petit moment. Brooklyn, c'est pas le Manhattan, c'est pas Madison Square Garden. Donc là, on a sorti le parquet bleu, et là, on avait un gros, gros match. Et en plus, comme de par hasard, retour de Giannis Antetokounmpo. Comme de par hasard. Ah oui, on voudrait de moi à New York, moi j'aimerais bien venir jouer à New York. Ah tiens, c'est une cup, je suis champion en titre. J'imite très mal le Giannis, mais vous avez compris, c'était un match qui devait être coché sur son calendrier, encore une fois. Et Giannis a montré qu'il était un joueur dominant. Ça là-dessus, d'un point de vue physique, on connaît les qualités du bonhomme. Hein. Inarrêtable. Il faut aller se frayer un chemin pour aller au panier. Voilà, on a beau essayer de mettre tout un tas de défenseurs. Et ils ont été nombreux à essayer de se relayer face à lui. Il s'en est joué assez facilement. Même si, très grosse mention à Josh Hart hein, sur ce match. Parce que, en termes de mismatch, c'était quand même pas simple. Et notre Josh, il s'est quand même très très bien. Héroïque. Très très bien démené face à Giannis, quoi. Ah ouais, donc, héroïque. Vraiment. Hein, c'est. Vraiment. Un match. Enfin, franchement, c'est le match que j'ai le plus kiffé de la semaine. On s'était dit, tiens, on attend le match face à Toronto, parce qu'on se prévoyait que Giannis allait être out sur cette rencontre. C'est vrai, ouais. Ça a changé forcément la physionomie du match d'avoir un Giannis dominant dans ce match. Kuzma aussi. Kuzma qui a été bon dans cette rencontre. Pendant un long moment, il était à 100% de réussite. Il marquait tout ce qu'il avait envie. Il avait déjà été bon contre nous lors de la première opposition. Rappelle-toi, quand Anthony Towns, je pense peut-être en fait encore des cauchemars. C'est pas un mauvais joueur, hein, je trouve. Fallait qu'il trouve sa place aussi, son adaptation à Milwaukee. Hein. C'est jouer avec Giannis, c'est particulier. On retrouvait Turner, le Miles Turner de Indiana la saison dernière, qui a mis quelques petites bombinettes à 3 points aussi. C'était une opposition intéressante. Cole Anthony, Green aussi. Green. Je sais plus quel est son prénom, Green, c'est pas Jalen Green, c'est Josh Green, c'est quoi, c'est... Je sais plus le prénom. Le je Green te dire. Blanc, là, de... des verts. Ouais, c'est A.G. Green. A.G. Green. Et lui, il a un bras, cet enfoiré, pardon. Ah, il avait le poignet en chaleur pendant un long moment. Les Bucks qui ont très très bien démarré cette rencontre, et on s'est dit, ouh, ça va être compliqué pour New York. New York s'est accroché, New York avait un super leader. Un GB Prime sur Amazon Prime, c'était parfait. GB qui était Jalen Brunson, qui était une des têtes d'affiche des vidéos promotionnelles de la nouvelle plateforme de diffusion. Et ben voilà, il a répondu présent et héroïque. Enfin, ce joueur, moi, il continue de m'épater parce que c'est pas le physique le plus évident. D'un côté, on a un Giannis qui est un mutant. On se dit, effectivement, il se ferait un chemin pour aller au panier parce qu'il a des très longs appuis, il est costaud, il est long. Voilà. Mais JB petit, il fait la même chose. Il se ferait un chemin pour aller au panier malgré des défenses dures sur lui, quoi. Giannis, au bout de 5 minutes de jeu, il était, je crois, déjà à presque 12 points, je crois, ou un truc comme ça. 7 rebonds, 8 rebonds, 5 passes, un truc comme ça. Tu t'es dit, il va finir un triple double. Il a fini un 30 points, 15 rebonds, 8 passes. Donc, enfin, énorme Giannis. Mais ses minutes il était en minute restreinte aussi pour son retour. Mais voilà, c'est lui qui a porté son équipe avec Kuzma. Mais c'est vrai qu'en phase, bon voilà. Là, encore une fois, là, tu vois, bon, tu utilises 39 minutes Jalen Brunson, 40 minutes Josh Hart. Bon, là, grosse minute, là, je veux dire. On critique. C'est un match qu'il fallait gagner. On critiquait Thibodeau, mais voilà. Mais à côté de ça, Jalen Brunson, voilà, comme tu dis, 12 sur 21 au tir, 4 sur 6 à 3 points. Alors, c'est sûr, moins à la création, avec 5 passes. Mais alors, quand il a fallu scorer, il a scoré. Quand il a fallu faire la chanson au petit MIP, Ryan Rollins. Et ben, et Ryan Rollins aussi, 41 minutes pour lui, pour 13 points, un peu 4 sur 10 au shoot, un peu en souffrance. Mais c'était genre en forme des Bucks en l'absence de Giannis, ouais. Si les Bucks ne gagnaient pas. Donc effectivement, faut retrouver ses marques, ses places. Mais voilà, face aux Knicks, ça a été une très belle opposition après, globale. Dans ce match, la seule déception est venue que Doc Rivers n'a pas utilisé Jericho Sims. Et là, moi j'ai été déçu de ne pas voir sa moustache sur le terrain. Parce que Jericho. Bon, non mais c'est, je veux dire, c'est d'une tristesse que ce joueur ne joue plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jericho Sims alors que l'année dernière il était... Non, je pense que les Knicks l'ont tué. Bon, vous doutez bien, c'est du second degré, même si Seb l'affectionne particulièrement, comme Kevin Knox. Mais voilà, non, on a une belle opposition. Et en ça, moi, c'est le match où j'ai pris le plus de plaisir, parce que c'était vraiment une ambiance de play-off, en fait, sur cette rencontre. Il manquait des joueurs côté Knicks, hein, les personnes de Landry et de OG. Peut-être que c'est plus OG Anunoby qui aurait été en mission défensive sur Giannis, sur Antetokounmpo. Mais non, Josh Hart s'est super bien démené dans cette rencontre. 15 rebonds pour Josh Hart. On a un double-double à 19 points, 15 rebonds. Il n'est pas loin du triple-double, il lui manquait 3 passes. Il était à 7 passes, mais voilà, gros temps de jeu. Même si Brunson termine avec les lauriers, et le joueur du match, on va dire, sur cette rencontre. Non, Josh Hart nous a fait un chantier. C'était un match test. On ne pensait pas que c'était un match test, parce qu'on s'était dit, ouais, la Cup... Allez, puis en plus, Giannis sera pas là. Eh ben si, c'était une très très belle opposition. C'est à ça que ça sert la Cup. C'est à avoir des matchs à enjeu. Les Knicks n'allaient pas lâcher la rencontre. En plus, ça se joue à Madison Square Garden. Aujourd'hui, le bilan, il est de 9 victoires, 1 défaite. Voire peut-être même 10-1. En tout cas, on a perdu qu'une fois face au Magic. Donc ouais, il fallait préserver ça. On avait perdu contre les Bucks un peu plus tôt dans la régulière. Donc voilà, ça permettait un petit peu de rééquilibrer la chose. Et donc, New York sort le champion sortant. Il n'y aura pas de doublé en Cup cette saison. Encore une fois. Bon, le dernier match de la semaine, nous, on l'attendait particulièrement, c'était le retour des Dinos. Alors, les Dinos, il n'y avait pas la paire de Dinos qu'on affectionne, à savoir R.J. Barrett. Vous savez, yo, à Monique. Bah non, R.J. il est blessé en ce moment. Donc, il était plutôt sur le banc avec ses petites tresses, sa petite veste en cuir. Par contre, il y avait IQ. IQ a eu un petit côté où il a pris chaud. Hein. Il s'est rappelé les sensations. Il finit meilleur marqueur des Raptors, quand même. Eh ouais, quand même. Une saison dernière qui était compliquée pour lui. C'est un petit peu mieux cette saison. Et donc, voilà. Donc, les Knicks se sont rentrés dans le match en marchant sur l'eau. Hein. C'est leur garden. C'est le parquet City Edition. C'est leur jersey City Edition. Et ils se sont dit... Allez, là, on met tout à 3 points, on shoot en volume et en plus en qualité. Il y avait plus 20 à la fin du premier quart on en est à ça, je crois, je sais plus. Ouais, on est à plus même... Non, à la fin du premier quart, on est à plus 19, mais on monte à plus 24. Au début du second, on monte à plus 24 pour finir le quart-temps. Alors, attends, tenez-vous bien. Pour finir le quart-temps... à plus 7. Je suis en train de rechercher la feuille de stats, mais à la mi-temps, 59-52. Ouais, effectivement. Voilà. Les Raptors se sont rapprochés. Et pourquoi les Raptors se sont rapprochés après ce démarrage? Parce qu'on a fait insolente. Un second quart de merde, tout simplement. C'était dégueulasse. c'était pas foufou. Tant offensivement, on a continué de shooter à 3 points, mais ça rentrait plus du tout. Et on s'est dit, on fait que de shooter à 3 points, on propose pas d'alternance. Et comme défensivement, bah vas-y que t'attaques en backdoor, vas-y que on redonne des ballons assez vite, on fait des pertes de balles. Et ben bah oui, les Raptors qui sont une des meilleures équipes de ce début de saison régulière, à l'Est en tout cas, qui était sur une défaite par contre, hein, ils ouais. jouent en back-to-back la veille face à Charlotte. Et bah oui, on peut perdre contre Charlotte, si ça arrive. Et bien là, voilà, ils se sont vite repris dans cette rencontre et ça a relancé le match. Bon, heureusement pour les Knicks, et puis vous le savez, vous avez vu les résultats, les Knicks se sont imposés à la fin, on a su recréer l'écart, mais ils se sont restés dans le rétro pendant un moment, hein. Ça s'est décanté en fin de match, on a eu droit à 3-4 minutes de garbage time où on a pu voir le bout du banc. Il n'y avait pas Paco Mdadié jouait en G-League, et il n'a pas été rappelé. Non. Mais le reste du banc a été vité des deux côtés. Alors lui, il y en a un nom, je ne sais jamais comment le prononcer. F. Bioman. Voilà, F. Bioman. Faut que je pense à Bioman. Voilà, c'est comme Bioman, sauf que c'est F et c'est un I, un U à la place du I. Voilà, F. Bioman. Hein, F. Bioman. Mais il a joué deux minutes. Bon, un rebond. C'est un anglais. Un deuxième anglais à Onyx après OG Anunoby. Sera-t-il All-Star cette saison? Je pense pas. Mais voilà, donc les Knicks s'en sont sortis. 4 victoires et on bat les deuxièmes. Bah oui, les deuxièmes dans ce classement de la conférence Est. Le troisième bat le deuxième. C'est bien. C'est bien de marquer un petit peu les esprits de la sorte. Surtout avant de les affronter dans une semaine et demie là, en Cup. Est-ce que OG sera de retour? On verra. Est-ce on les joue 5 fois, hein, les Raptors, cette année. Quoi. Et bah oui, cette saison, on les jouera 5 fois. Ils sont dans notre division et en plus, on les retrouve en Cup. Ouais. Bon, t'as apprécié ce match? Il y a des choses peut-être qui t'ont fait un peu tiquer au-delà du deuxième quart? Ben, je trouve... j'ai remarqué quand même que... Bon, déjà, ça fait quelques temps qu'il est dans mon viseur. Jordan Clarkson... Alors, ok, c'est une nouvelle recrue, tout ça, mais je le trouve plutôt pénalisant quand il est sur le terrain. Que ce soit offensivement, je le trouve rarement faire les bons choix. Il perd, je trouve qu'il perd beaucoup de ballons quand il part un dribble ou quoi. Bon, défensivement, il fait ce qu'il peut, c'est pas le pire. Mais quand il y a ce 5 avec Colec, McBrown, Clarkson, Hart et Karl Anthony Towns, hier, c'est ce 5 qui permet aux Raptors de recoller au score. Et j'ai l'impression que ce 5-là ne marche pas du tout. Et notre ami Clarkson, je le trouve vraiment pas bon. Là, cette semaine... Ouais, il force. Là, cette semaine, pour regarder un petit peu c'est les stats, alors bon, il finit... tu te dis, pour un joueur de banc, bon, ok, il finit à... 13 points. 13 points hier, enfin, cette nuit. Ah, j'ai plus ton micro, Seb. Petit problème technique côté Seb. 1, 2, 1, 2. Microphone check, 1, 2, 1, 2. Bon, bah écoute, je vais finir ta tirade, Seb, sur Clarkson. Sur Clarkson, qui effectivement n'est pas vraiment en réussite en ce moment sur son jeu offensif. Des pertes de ballon aussi, cette nuit face aux Raptors, il termine tout de même avec 13 points, mais un vilain 3 sur 10 au shoot. Bon, le deuxième quart où on a continué d'arroser, il faisait partie des arroseurs en chef. Sur le match face à Milwaukee, c'était combien? C'était 6 points, 2 sur 13, 0 sur 5. Effectivement, un shooter, ça a des hauts et des bas, et en ce moment, on est plutôt sur du bas avec la réussite de notre ami Jordan Clarkson. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends, tu peux maudire toute la génération des Clarkson. Ouais, donc et cette semaine, il tourne avec un très vilain 13% à 3 points et 38% au shoot en général. C'est pas assez. Moi je m'en fous, moi je m'en fous qu'il amène 15 points au scoring, mais il faut qu'il soit un peu plus régulier dans ses prestations. Et ce 5 là marche pas terrible. La line-up Colec, McBrown, McBride, Clarkson, c'est pas terrible. Alors ok, d'accord, c'est pas un 3 Clarkson, mais ça marche pas. A contrario, j'ai trouvé que Tyler Colec cette semaine, bah, écoute, c'était un peu... c'était un peu le retour de l'enfant prodigue, si on peut dire ça comme inespéré, ça. Je sais pas, mais en tout cas, oui, il a des bons passages en début de ouais, second quart. Ouais. Et c'était le contre, je sais pas si c'était contre Charlotte, je crois. Écoute, je l'ai trouvé plutôt pas mal en connecteur, très vraiment vraiment bon. Il fait ce qu'il a à faire hein, sur le peu de minutes qu'il a à faire, mais ouais, il pique des ballons aussi. Ouais. Il pique des ballons, il est dans l'intensité, dans l'engagement en tout cas. Ouais. C'est plutôt intéressant. Et cette nuit aussi, il y a eu pas mal de distributions de sa part. Franchement, il a, enfin, Clarkson, Kat, et puis je sais plus qui, peut-être Mikal, ont pu profiter de ses passes. Il a vraiment une très belle court vision. Il a un sens du, il a vraiment un sens de la passe, un peu en général et du floor quoi. C'est, Il n'hésite pas non plus à aller vers le panier, ouais, à tenter sa chance. Là où l'année dernière, c'était quand même beaucoup plus timide. On avait des passes, mais on avait des fois jamais de points de la part de Kolek. Il est agressif. Donc clairement, il permet à Brunson de souffler et c'est pas pénalisant. Même si défensivement, bon voilà, c'est un petit gabarit et ça peut être un joueur qui peut être ciblé. Mais en tout cas, ça donne des minutes de repos à JB qui sont très précieuses et sans pénaliser le jeu offensif de l'équipe, clairement. Donc très bien. Juice, cette nuit, on a oublié de le dire, mais pareil, il fait un démarrage de match. Je sais pas, il a 12 points dans les premières minutes. Une adresse insolente à 3 points, ça venait aussi de Juice. Très bon, McBride, en ce moment. Son positionnement dans le 5, ça marche plutôt bien, à voir si ça va durer. Et puis Gershon, on peut en parler. Cette nuit, bah, c'était correct, hein, que 10 minutes. C'est un faible temps de jeu, certes, mais 7 points, il a eu un peu de réussite tout de même au shoot. Il a commencé par rentrer son premier 3. Malheureusement, les deux autres suivants ne sont pas rentrés. Mais voilà, on commence à retrouver un petit peu de sensation côté Gershon. C'est pas un gros temps de jeu. À voir quand OG Onobi va revenir aussi. Si ça diminue, on est sur une moyenne de 12 points par de 12 points de 12 minutes. De 12 minutes contre les Nets, il a joué 12 minutes contre Charlotte, 12 contre Milwaukee, 6 et hier il en joue 10 où il est un peu plus comment dire saignant que ce soit au scoring ou à la production au rebond avec 4 rebonds et une passe. C'est un joueur de complément, sorti de banc, c'est, qui permet, c'est voilà. Le dixième homme. C'est le dixième homme aujourd'hui de cette rotation. Il n'a pas joué le garbage time. Le coach ne lui a pas fait l'affront de laisser 3 minutes de plus dans le garbage time. Il a laissé ça aux joueurs du bout du banc. Donc voilà, il retrouve un peu des sensations, un petit peu de temps de jeu. Ça ne sera pas non plus énorme. En même temps, difficile de le laisser plus longtemps. On voit des associations avec 4, on voit des associations avec Mitchell Robinson. Mitch, ouais. Donc plutôt un positionnement en tant que poste 4. Ça y est, ouais. Et ben pourquoi ouais, pas, ouais, pourquoi ouais, ouais, pas ouais. C'est plus dans les qualités de notre joueur. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, ne serait-il pas temps de décerner, non pas une Timberland, mais nous, notre couronne du King of New York, du Knicks of the Week. Cette semaine, ça pourrait être qui? Bon, Clarkson, on repassera, hein, vous l'avez compris. Tyler Kolek, c'est mignon, mais bon, peut-être pas non plus pousser le délire à lui remettre le titre de joueur. Un jour, peut-être, un jour. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être, s'il nous fait gagner, je ne sais pas quel match, sur un buzzer beater. Allez, pourquoi pas. Mais bon, on n'y est pas. Brunson se pose en candidat sérieux. Parce que Brunson, faut le dire, c'est le métronome. Enfin, les Knicks ont gagné tous les matchs. Peut-être que Brunson serait même, pourquoi pas, joueur de la semaine dans la conférence Est. 4 victoires, les stats sont quand même plutôt belles. Un match en cup qui a laissé des traces dans les esprits. Mike Brown disait, mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas dans la discussion de MVP. Vous savez ouais, comment il est fort? Ouais, on a vu comment il est fort. Bon, on verra. Mais moi, je me dis, il serait peut-être bien joueur de la semaine dans la conférence Est et ça ne serait pas démérité. Mais non, on a préféré partir sur quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un chat? Non, c'est pas un chat. Le chat, le gros cat, le matou, le beau dégât, là. Non, c'était pas son anniversaire. Non. Il a fêté Thanksgiving avec papa. Mais non, cette semaine, il a fait un bon match contre les Nets. Mais le reste, c'est un peu trop léger, quoi. Ça aurait pu être Deuce. Deuce nous fait des belles perfs. Mais non, on a préféré... Et on n'a même pas cité Mikal Bridges, qui a fait aussi une semaine totalement correcte. Et en défense, hier, je veux dire, tu vois, on n'a pas parlé, mais hier, tu as quand même. On a dit qu'Emmanuel Quickly avait fini meilleur scoreur avec 19 points. du côté des Raptors. Mais à côté de ça, un Scottie Barnes à 18 points et un Brandon Ingram à 14 points. Là où ben, c'était Mikal Bridges qui les a pris. Oui, et défensivement, écoute, il a plutôt été pas mal, le Mikal. Il a dit en sortie de match qu'il était déçu. Il a eu l'apport de Deuce qui lui a dit « Non, t'as été super ». Mais n'empêche que Mikal Bridges, cette semaine, est encore une fois… Ouais, très propre. S'est positionné en tant que bon intercepteur et contreur. Pour l'instant, il est dans la course pour finir dans une All Defensive Team. Ouais. Donc le Mikal, peut-être qu'au niveau du scoring, voilà, mais au niveau de la défense, c'est présent. Hein. Ouais, il s'est collé. Voilà, c'était un bon Mikal, mais vous l'avez compris, si on le recite maintenant, c'est qu'on va pas lui donner le laurier et on va les donner à qui? On va les donner à Josh Hart. Josh Hart. Qui fait son retour dans le 5 de départ, qui a un gros temps de jeu, qui a des grosses adversités aussi à gérer. Bravo à lui, clairement, sur le match face aux Bucks. Hein, c'est encore un artisan. En plus, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Josh Hart? Il rentre ses paniers à 3 points. Alors là, on vous a mis sa feuille de stats pour le dernier match en date. Mais voilà, c'est quand même une belle semaine pour Josh Hart. Sa moyenne sur la semaine? Josh Hart, sur la semaine, donc sur les 4 matchs, Josh Hart tourne à 45% à 3 points, 53% au tir. Donc cette semaine, donc, il a pris, tu vois, il a pris 20 tirs à 3 points, il en a rentré 9. Donc on est vraiment à la limite des 50%. Hein. On est plus du côté des 50 presque que des 45. Mais pour une moyenne de 17 points, presque 12 rebonds, 7 passes, quasiment 3 ballons volés. Semaine on est presque sur un joueur en triple-double. Il n'y a pas de triple-double semaine double de cette semaine. Il a loupé le triple-double. Il a eu droit à sa paire de Timberland, son petit gilet et puis le casque de meilleur défenseur des matchs. Mais clairement, ouais, un Josh Hart qu'on a retrouvé. Alors, gros temps de jeu. À voir aussi quand OG Anunoby va revenir, si les perfs vont pas redescendre un peu. On peut s'y attendre en termes de production statistique pure. Mais en tout cas, en termes d'intensité, de polyvalence, de leadership, d'éclat, d'action, de highlight, il y a des dunks en veux-tu, en voilà, il y a des 3 points aussi, parce que forcément, Josh Hart, il a sa réputation d'être un mauvais shooter, alors les défenses adverses le laissent ouvert, et ben monsieur, il sanctionne, et ben oui. Donc là, ça va devenir une équation un petit peu compliquée pour les défenses adverses si Josh Hart commence à rentrer ses shoots à l'extérieur. Et comme on en shoot beaucoup du côté de Broadway, du côté de Mike Brown, avec cette équipe d'Enix, voilà, il va tirer profit de tout ça. Sur ces 3 derniers matchs, c'est 22 points, 8 rebonds, 7 passes. 19 points, 15 rebonds, 7 passes. Et 20 points, 12 rebonds, 7 passes. Et à chaque fois, 3 ballons volés. À chaque fois, tu finis. Alors, contre Milwaukee, c'est ça qui lui fait baisser sa moyenne parce qu'il finit à 0 sur 4 à 3 points. Mais contre Charlotte, il fait un 4 sur 6. Et contre les Raptors, il fait un 4 sur 7. La résurrection de Josh Hart, quoi. J'ai l'impression qu'il a toujours des débuts de saison un petit peu poussifs, hein, un petit peu, hein, on pinaille. Et puis voilà, une fois qu'il est lancé, il nous produit dans tous les secteurs du jeu. Clairement, un joueur hyper valuable. Ouais. Alors, Brunson, c'est le leader de cette équipe, c'est le franchise player. Oui. Au début, on voulait lui le donner. Mais quand on a vu encore un match très complet de la part de Josh Hart face aux Raptors, c'est dit non, on peut pas passer sous silence le fait que arrivé dans le 5 parce que Mitch ne starte plus, et ben Josh Hart il fait le boulot qu'il faisait la saison passée avec Tom Thibodeau. Non, et puis on a l'habitude, enfin je veux dire comme tu dis Jalen Brunson, il aura plus tard. C'est le patron. On va lui donner toutes les semaines. Quasiment. Ouais, exactement. C'est le patron, c'est le leader. Tu sais à quoi t'attendre. Que quand tu as Jalen Brunson sur le terrain, tu sais qu'il va te sortir un gros panier, un coup d'éclat, un passage en force qui va changer quelque chose. Enfin, oui, voilà. C'est comme si, tu vois, c'est comme si à l'époque, on était fan des. Je sais pas, enfin, de n'importe quelle équipe avec leur gros joueur. Tu sais que ce gros joueur-là, s'il est dans la course du MVP, c'est parce qu'il est toujours très bon là-dedans. Mais le Knicks que nous, on décerne sur la semaine, c'est aussi pour mettre un coup de projecteur sur un joueur en particulier, sur une performance particulière. Et là, cette semaine, en fait, ben, Hart a été au four et au moulin. Et puis, il faut quand même saluer la défense qu'il a produit, certes, sur un Giannis de retour, certes, en minutes restreintes. Mais n'empêche que ce gabarit-là, il est arrivé par son énergie à le freiner. Voilà, un petit peu. Donc, écoute, voilà, Josh Hart, superbe. On retrouve le bon Josh Hart, nickel. Ah ouais. Ah ouais. Donc, un gros pouce dans la vidéo si vous kiffez Josh Hart, tout le monde l'a kiffé. Ils étaient nombreux, vous l'avez compris, à postuler pour ce titre cette semaine. C'est Josh qui l'emporte. Voilà. Mais alors, qui va l'emporter la semaine prochaine? Combien il y a de matchs? Eh bien, on va regarder ça tout de suite sur la seconde partie de l'émission. On regarde ce qui se présente cette semaine pour les Knicks. Let's go! Et puis moi, je vais me prendre un petit coup. Un petit coup d'eau, bien sûr. Pour pouvoir en parler pendant une heure. Non, peut-être pas. Ce que tu dis, nous on voit pas ce qu'il y a dans la bouteille, quoi. C'est transparent. Ouais. Une petite flash de vodka, là, bam! Hop, histoire de tenir. Je suis pas vodka, plus rhum que vodka. Mais bon, on n'est pas là pour faire du placement de produits. De toute façon, personne ne nous sponsorise. Donc, personne ne nous sponsorise, de toute façon. Allez, Poliakov, tu verras s'ils mettent le chèque. voilà, après ce... moment apéro. Apéro, c'est pas nous. Hein. Avec nous, quoi allons-nous arroser le... café. Ah oui, nous c'est café, ouais. Allez, café. Allez, café, allez, apéro. Petit moment où on regarde ce qui se passe dans cette conférence S, comment sont positionnés ces Knicks. Eh ben, ils sont positionnés sur le siège passager des Detroit Pistons. Deuxième place de la conférence avec un bon petit bilan de 13-6. Bah, c'est pas si dégueu que ça, il y a même pas 20 matchs joués, bon, il y a effectivement une défaite ou deux qu'on aurait pu éviter, mais globalement, le résultat est là, on les attend de toute façon haut dans cette conférence Est, bah, pour l'instant, ils sont hauts. Derrière tout de même, les Detroit Pistons, qui ont lâché un petit peu de victoire là, ces derniers temps, mais devant, du coup, bah, les Toronto Raptors qu'on a battu. Devant également le Miami Heat, avec 13-7, hein, tout ça est partagé. 13-8 pour les Atlanta Hawks, 12-8 pour les autres Floridiens du Magic, qui bouclent le top 6. Écoute, tout ça pourrait se retrouver en play-off. Hein, et Cleveland, Cleveland qui est sur 3 défaites. Ah oui, ils sont où? 3 défaites consécutives, les Cleveland Cavaliers, quoi. Une équipe qui était annoncée par beaucoup d'observateurs ou de pronostiqueurs comme pourquoi pas une des deux premières équipes de cette conférence, bah voilà, ils prennent un petit peu de retard. Raptors, Hawks, Celtics, ils ont perdu consécutivement. Eh oui, eh oui. Les Celtics, bah justement, bah juste derrière ces Cavs, avec un bilan de 11-9, qui est tout à fait honorable compte tenu toutes les blessures et le démantèlement qui a eu lieu en ce début d'intersaison. Les Sixers qui sont bien rentrés dans le rang, hein, Embiid ça joue pas, bah, au final c'est un bilan proche des 50%, 19. Autre équipe qui est très bien là, rentrée dans le rang, les Bulls, 9-10. Ouais, ouais. Bah oui, mais, à un moment ils étaient leaders, bah, maintenant ils sont plutôt leaders du groupe Eto, quoi. Tu sais que les Bulls, ça a commencé donc par 5 victoires consécutives et tu t'es dit, tout le monde était là, waouh, les Bulls, machin. Et moi, le premier, je me suis dit, or, que ça n'allait pas durer comme ça, mais je me suis dit, tiens, les Bulls, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait faire justement un peu une. Top 6, quoi. Ouais, une des 3 Pistons, tu vois, un peu une équipe, un petit peu comme ils aiment bien appeler une Darling et tout machin. Ouais. Et puis, en fait, on leur a infligé la première défaite. Et puis, notre premier match donc, était contre le 3 novembre, donc ça va bientôt faire un mois. Ils ont gagné par la suite que 4 matchs. Et ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en tout, après avec nous, 10 défaites depuis le 3 novembre. 10 défaites pour 4 victoires. Et c'est très bien rentré dans le rang même. Hein. C'est vrai. Ça dévisse. Une autre équipe qui plutôt a des difficultés, c'est les Bucks. Hein. 9-12. Pour l'instant, ils ne sont même pas dans le play-in. Bon, on en est encore loin. Giannis revient. Voilà, ça ouais, ils ont payé cher l'absence de Giannis. Hein. Donc, Oui, forcément, un joueur calibre MVP qui a une place prépondérante dans le jeu, dans le système, forcément, ça allait impacter les performances. Ils ont tout de même gagné face aux Brooklyn Nets. Ça, il y en a un paquet d'équipes à gagner contre les Brooklyn Nets. Et donc, ce fameux groupe Eto, mené aussi par les Hornets, hein, 6-14, puis 4-16, les Pacers. Hourra, ils ont gagné un match au buzzer quasiment avec Pascal Siakam. Mais il faut dire que c'est compliqué pour eux. Les Brooklyn Nets 3-16 et les Washington Wizards 2-16. Mais cette même, conférence Est. Tu te dis quand même les Pacers, quoi, avec des. Ouais. Avec des tu vois, enfin, ils ont Siakam. Ah, il manque Haliburton, mais ont, voilà. Ils ont Embiid, ils ont Naismith, ils ont TJ McConnell, ils ont. Enfin, je veux dire, ils ont encore Ben Mathurin. Ok, il leur manque Haliburton, mais ils ont quand même... C'est une équipe qui est allée en finale NBA, qui a quand même énormément de qualité. Oui, ok, d'accord. Haliburton, ouais, ouais. Turner ne sont plus là. Mais punaise, comment ça s'est effondré 4-16. Moi, je pensais pas qu'ils seraient à ce niveau-là. À ce niveau-là, quoi. C'est vraiment très triste, quoi. Pour eux, après, moi, personnellement, c'est pas une franchise que je porte dans mon cœur, les Pacers. Hein. Mais, voilà. Et par contre, à la conférence Ouest, bon. Parle-nous de la conférence Ouest. Bah, je regarde pas pour l'instant. Mais la conférence Ouest. Qu'est-ce qui se passe à l'Ouest? Bah, il y a une équipe qui est sur 12 victoires consécutives. Eh, ça commence à faire beaucoup, là. Une équipe qui n'a perdu que un match jusqu'à présent. Eh, un match. Beaucoup, un match en plus, un match très étriqué. Et qui, 20 victoires pour une défaite. Les Oklahoma City Thunder sont incroyables. Enfin, je veux dire. Ils sont pas. Et en plus, ils n'étaient pas au complet. Ils sont pas en plus. Ouais. Là, ils ont comment il s'appelle? Jalen. C'est Jalen. Williams. Jalen Williams, ouais, parce qu'ils ont plein de Williams. Ouais. Qui est revenu. Jalen et Jalen. C'est Jalen. Ouais. C'est un JW. Il est revenu il y a deux matchs de ça. Mais non, ils sont vraiment incroyables. Qui est deuxième? Les éternels, les inoxydables Los Angeles Lakers. Incroyable. Ouais. Les Lakers qui sont sur 7 victoires consécutives avec un bilan de 15-4. Ça marche bien du côté de Los Angeles pour l'instant avec cette équipe. Avec cette semaine, il y a eu le retour de LeBron, je crois. Ça revient doucement, mais ça revient sûrement. Et c'est une équipe aussi qui s'est qualifiée en Cup. Donc on va retrouver et les Lakers et le Thunder en Cup. Ça va être plutôt intéressant. Pourquoi pas une finale de prestige Los Angeles-New York? Ça pourrait être intéressant, JB face à son ancien teammate de Doncic. Mais ouais. Non, ils ne s'affrontent pas tout de suite. En tout cas, ouais, il y a d'abord Suns versus OKC et Spurs versus Lakers en Cup. Finalement, c'est des affiches qui sont plutôt intéressantes. Donc, la Cup gagne de l'intérêt aussi avec ses affiches, avec ses équipes en forme. Est-ce que Wemby va aller chercher son premier trophée? Est-ce qu'il sera de retour, surtout? Est-ce qu'il sera de retour de prix? Certains disent qu'il serait de retour en 2026. Bon. Ensuite, donc, tu as les Rockets en 13-4 sur 3 victoires consécutives. Les Denver Nuggets qui ont perdu Aaron Gordon et que ça les a un petit peu freinés. Ils étaient jusqu'à présent deuxième. Bon, là, ils sont qu'à une victoire de Los Angeles. Hein. Ils sont à 14-5. Ouais, c'est vrai. Après, donc, on a les San Antonio Spurs en 13-6, qui, pour l'instant, en tout cas, sans Victor, ils continuent à gagner des matchs, hein, ça continue à être là. Et les Minnesota Timberwolves, qui vont mieux, ils sont sur 2 victoires consécutives, et ça complète donc le top 6 de l'Ouest. Et ensuite, donc, respectivement, on a Phoenix en 12-9, les Warriors en 11-10, les Grizzlies en 9-12, et les Portland Trail Blazers en 9-12 et en queue de peloton, les mauvais élèves, le Utah Jazz, dont on va parler, en 6-13, les Dallas Mavericks en 6-15, les Clippers en 6-15 qui sont sur 4 défaites consécutives, les Rois de la Californie, les Sacramento Kings en 5-16, qui sont aussi sur 3 défaites consécutives, et les mauvais élèves de l'Ouest sont la Nouvelle-Orléans Pelicans, qui eux aussi sont en bilan de 3-18. Voilà un petit peu pour faire tout le parcours. Paysage complet. Ouais, mais NBA. Mais Oklahoma est vraiment, vraiment impressionnant, encore une fois. Cette équipe, c'est cheaté, quoi. C'est cheat code, c'est... À voir. Non seulement cette équipe n'est pas inquiétée, roule sur sa conférence, fait la course en tête, est championne, a la confiance du champion, va avoir des retours, il s'inquiète en rien sur cette saison régulière. Mais bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas une équipe qui a fait le back-to-back. Est-ce qu'ils le seront les prochains? Faut remonter à l'époque des Warriors. Ça commence à dater, mais la route est encore longue et pour l'instant, ils font la course en tête et ils sont inquiétés par personne. Bon, tu nous as parlé du Jazz. pourquoi tu nous as parlé du Jazz? Eh bien, parce que cette semaine, ça va être la seule équipe de la conférence Ouest qu'on va affronter. Est-ce qu'on a peur du Jazz? Je suis pas sûr, mais voilà, c'est à noter. Ça sera la seule équipe de la conférence Ouest. Cette semaine, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a quatre matchs au programme. Est-ce qu'il y aura quatre victoires? On verra. Est-ce qu'on va pronostiquer le 4-0 dans quelques instants? Attendons de voir. Il y a un match à l'extérieur déjà pour commencer. Et où est-ce qu'a lieu ce match? Au Garden, mais à l'autre Garden, le TD Garden. Cette fois-ci, on se déplace chez les Boston Celtics. Les Boston Celtics que tu vas nous passer en revue vis-à-vis de leurs derniers résultats et puis des blessures. Après, ces Boston Celtics qui vont accueillir les Knicks dans la nuit de mardi à mercredi, on aura un back-to-back. Eh bien oui, on revient à la maison. On revient pour recevoir qui? Les Charlotte Hornets. Donc, deuxième match de la semaine à la maison. Et puis, ça va ouvrir une série de trois matchs à la maison puisque derrière, on aura un match vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, face au Utah Jazz, voilà, les Mormons, je cherchais. Laurie Markkanen, Ace Bailey, c'est ça. Je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres qui jouent. Kessler doit être blessé, il me semble. Et pour finir, la semaine en beauté, un match au Madison Square Garden en prime time. Eh ben oui, vous le savez, c'est notre affiche de notre KNF Viewing Party. C'est le match face au Orlando Magic. Le Orlando Magic, on a perdu déjà deux fois contre eux avec le fameux Franz Wagner masqué. Eh ben, ça sera l'affiche de notre KNF Viewing Party dimanche. Voilà le programme complet de cette semaine d'Enix. Quatre matchs plutôt intéressants. Il y a à boire à manger là-dedans, il y a de l'opposition variée, il y a des équipes fortes, des équipes plus faibles, il y a une équipe de l'Ouest, sinon il y a trois matchs à domicile, les Knicks ont un bon bilan à domicile, est-ce qu'ils vont continuer d'avoir un bon bilan? Et bien pour ça, il faut savoir regarder un petit peu comment se présentent ces adversaires, est-ce qu'ils sont en forme ou pas? Et ça, c'est Seb qui nous le dit, les Boston Celtics, ils se comportent comment? Ils sont comment en ce moment? Alors déjà, les Boston Celtics, au niveau de leurs blessures, évidemment, toujours Jason Tatum ne joue pas. Alors, est-ce qu'on a Nemas Keita, qui a rejoué, ainsi que Derrick White? Je vais te dire ça tout de suite, parce que donc ils étaient annoncés de retour contre les Cleveland Cavaliers. Et donc, est-ce qu'ils sont revenus? Non, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus, donc ils sont toujours en day-to-day. Donc, est-ce qu'ils vont jouer ou pas contre nous? On verra. Quid, voilà. Au niveau de leur forme, eh ben, sur les 5 derniers matchs, ils sont à un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Leurs deux défaites sont à Minnesota et contre les Brooklyn Nets. Écoute, voilà. Ça, c'est plus surprenant, quoi. Ça fait un peu tâche. Brooklyn Nets, voilà. Ils ont gagné. Ça leur arrive de gagner des matchs. Ça reste une équipe NBA. Ils ont gagné des matchs. Mais à côté de ça, ils ont gagné. Et Orlando? Ils ont gagné et Détroit. Ils ont gagné et Cleveland. Donc, non. Ils ont. C'est une équipe qui retrouve des sensations et qui a eu des belles victimes sur leur tableau de chasse. Ouais, donc, avec. Méfiance tout de même avec ces Celtics. Quoi. Avec un Brown très bon, notamment. Il a eu fait quelques cartons 41 points, 33 points, 35 points. Voilà, donc une équipe qui est en train de retrouver un petit peu son jeu. Attention à ne pas les prendre, de haut. C'est pas parce qu'ils sont dans la zone play-in que c'est une équipe à regarder un petit peu par-dessus l'épaule. Ça va être sérieux contre les Boston Celtics, quoi. On les avait battus sur le second match de la saison régulière des Knicks. Ça se passait au Madison Square Garden. Depuis, on sait que les Knicks ont eu des difficultés à l'extérieur. Ça s'est un peu amélioré avec des matchs à Brooklyn, à Charlotte. Mais voilà, on a du mal à l'extérieur. Le TD Garden, c'est une grosse ambiance. Voilà, il faudra être vigilant. Sachant que ça sera comme nous, leur prochain match. Nous ne jouerons pas avant. Ok, ils seront reposés. Bien. Exactement. Ensuite, alors, les Charlotte Hornets, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a toujours Josh Green qui n'est pas là. On a toujours Pat Connaughton qui n'est pas là. Grant Williams qui est par là. Et Treyman qui est en day-to-day. Voilà pour l'état de blessure des frelons. Exactement. Alors, eux, ils sont sur une série de 2 victoires consécutives. Alors, leur bilan est de 2 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites sont contre les Clippers. Les regardez ce match, ils se sont fait détruire par un Harden incroyable. Ensuite, ils ont perdu contre Atlanta. Et ils ont perdu contre les New York Knicks. Et par la suite, ils ont gagné contre Chicago et contre Toronto. Donc voilà, à chaque fois. Ça fait bien nos affaires. Ouais, bon, avec. Si ils peuvent continuer de perdre contre nous, ça serait pas plus mal non plus. Avec à chaque fois, le meilleur marqueur contre Chicago, ça a été le petit Miller, le petit Brandon Miller, là, qui est pas mal. Miller. Et le meilleur marqueur contre Toronto, c'est Miles Bridges, l'autre Bridges. Ah, c'est voilà. Pas la Melo Ball, bizarre. Eh ben non, tu vois, mais non. Et la Melo Ball, tu veux que je te dise quand est-ce qu'il a été le meilleur marqueur du côté des. Du côté, la dernière fois qu'il a été le meilleur marqueur du côté des Charlotte Hornets, c'est le 29 octobre dans une défaite contre le Miami Heat. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 matchs. 16 matchs où il ne termine pas meilleur marqueur. Wow. Ouais, on a eu Bridges, finalement, le meilleur c'est marqueur. Pas lui le leader, quoi. Non, pas lui le leader. On a eu Bridges, le meilleur marqueur. On a eu le petit Conknuple, le meilleur marqueur. On a eu Brandon Miller. Comment tu dis Conknuple. Conknuple. Alors, pour en venir, donc pour qui vont jouer? Eh bien, avant nous, ils vont jouer les Brooklyn Nets. Donc, à Brooklyn. Donc, c'est un choc, hein. C'est un choc de la conférence Est. On peut appeler ça un merdico, totalement. Et ensuite, ils nous joueront, nous, pas dans la foulée. Enfin, pas dans la foulée, pas en back-to-back, mais ils font un petit trip new-yorkais, quoi. Donc, Brooklyn New York. C'est souvent. Bon, nous, c'est on sera en back-to-back, donc, voilà. Est-ce qu'il y aura un facteur back-to-back? On verra tout ça. On sera en back-to-back, exactement. Les Mormons du Jazz. Bah, déjà, on aura Mitch qui, du coup. Soit l'un, soit l'autre. Ah, il va jouer un match. Ouais. Alors, vu qu'il est plus titulaire, est-ce que. Tu vois ça sera une des surprises de cette semaine. Alors, les Utah Jazz, ils ont Kevin Love dans leur équipe. Tu l'avais oublié, ça? C'est vrai. Ouais, j'ai vu ça une fois sur un highlight. Je me suis dit, oh là, le pauvre, il est rendu là maintenant. ouais, il en peut plus, le pauvrette. Il est forfait. George Niang est forfait. Et Walker Kessler, malheureusement, a été blessé et manquera tout le reste de la saison. Donc, ils ont plus Kessler. Alors, pour eux, qu'est-ce que c'est? C'est quoi leur forme? C'est pas brillant. Hein, c'est pas brillant. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné un match contre les Sacramento Kings. Bon, c'est un peu le merdico de l'Ouest aussi. Ça, voilà. La couleur. Et alors, à côté de ça, dernier match là, ils ont pris un carton contre Houston, 129-101. après, ouais, ils ont perdu contre Los Angeles, contre 144-112 contre Oklahoma, deux défaites consécutives contre les Clippers, contre les Lakers. Enfin bref, voilà, ils sont arrivés à gagner, mais il y a un moment de ça maintenant, en double overtime les Chicago Bulls. Bon. Donc, leur meilleur joueur, c'est Lauri Markkanen. Hein, il est là, mais c'est pas forcément lui le meilleur scoreur. On a on a George. Alors, attends, c'est... du coup, moi, les... Keyton George, voilà. Bon. Ça a été lui le meilleur marqueur. Ça arrive que c'est... Ça arrive aussi que ce soit le petit Ace Bailey, le rookie. Une équipe jeune qui court, qui cavale, mais bon, c'est... N'aura rien à perdre, mais peut-être pas grand-chose à gagner non plus. Ouais. Bon, attention, parce que l'année dernière, tu vois, quand on faisait le bilan, on avait perdu contre eux. Donc, Mais c'était chez eux. Là, au Garden, voilà, il y a Protect Garden, on verra. Alors, concernant... ils sont en double confrontation contre les Houston Rockets, donc possibilité deuxième raclée dans la musette. Et ils seront en road trip new-yorkais, eux aussi, Nets, Knicks et en back-to-back. Ah, voilà. Du coup, ils seront peut-être fatigués. Et dans qu'ils sortent le soir. Et dans la foulée des Knicks, ils jouent Oklahoma City. Voilà. Allez, hop, c'est cadeau. C'est sur la route pour retourner à Salt Lake. Donc, il y a possibilité de prendre quelques valises là-dedans, histoire de remplir les valises pour rentrer à la maison. voilà pour nos amis du Utah Jazz. Et il nous reste les Floridiens d'Orlando, pays de Mickey. Ah, et j'aime beaucoup là. Et là, ils ont joué avec leur maillot rétro, la reggae version Orlando Magic des années 90. Je le trouve très très classe, maillot. Je l'adore. Il est vraiment très très beau, quoi. Il est beau. J'ai un maillot de Penny Hardaway dans. Tu me rends un peu jaloux, quoi. Je le trouve, je le trouve vraiment très beau là. Ce maillot 94, 95, même après la rayé. Enfin bref. Alors. Nos amis du Orlando Magic, ils ont toujours deux absences notables, Paolo Banchero et Moritz Wagner. Est-ce qu'ils seront de retour contre nous? Pour l'instant, Paolo Banchero est toujours forfait contre les Bulls et Moritz Wagner est forfait contre les Sixers, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils seront de retour? Est-ce qu'ils seront en minute restreinte? Est-ce qu'ils seront en day-to-day? Attention, la semaine dernière, on disait pour Giannis, il est revenu. Peut-être qu'on aura deux retours en fin de semaine. Ça, après, je suis passé l'actu d'Orlando pour savoir où en est l'état de leur blessure, mais potentiellement, pourquoi pas, ils pourraient revenir. Ils ont retrouvé clairement des couleurs. Hein, ça va beaucoup mieux du côté de d'Orlando, d'ailleurs. D'ailleurs, Dalia Desmond Bane sur le dernier match a fini meilleur scoreur contre les Detroit Pistons. Donc ça va mieux pour Baines. Ils sont sur une série de 4. Enfin, sur une série. Cette dernière 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite. Une défaite, on l'a dit, contre les Boston Celtics. Ils ont gagné Detroit, ils ont gagné Philadelphie. D'ailleurs, avec un beau carton, 144-103. Ils ont gagné New York, ils ont gagné les Clippers, ils ont gagné les Golden State Warriors. Voilà, donc grosse une opposition. Une équipe en forme qui nous a posé des difficultés. Et tout ça sans Banchero. Ouais. Et tout ça sans Banchero. Tout ça sans. Ouais, en plus. Ouais. Donc à voir après des fois si ça redéstabilise un peu l'équilibre du jeu offensif, mais en tout cas voilà une équipe dont on va se méfier et on a raison de se méfier puisque ils nous ont déjà joué des tours. Bon. Avant de nous jouer, ils vont jouer qui? Ils vont jouer Chicago. Brooklyn. Non. Non. Ah mince. Il faut pas le. Donc ils vont jouer Chicago, San Antonio, Miami et New York. Et je me demande si. Je pense que oui, parce que ça, tu as descendé. Ils seront en back-to-back. Ils sont en back-to-back. Eux aussi. Comme, alors comme nous, on a un back-to-back en début de semaine. Voilà. Mais, et on affrontera. Et on affrontera deux équipes en back-to-back. Okay. Voilà. Et donc ça sera notre KNF Viewing Party. Bon, la question de chaque semaine, les questions de chaque semaine. On va se poser la question du prono, mais on se pose déjà la question de c'est quoi la plus belle affiche de la semaine? Ah ben c'est l'affiche de la Viewing contre l'Orlando Magic. Même si le match contre Boston, attention c'était toujours des matchs particuliers contre Boston. Mais le match contre Orlando, bon, en sachant qu'on a déjà, on ne jouera que 3 fois, donc ça sera terminé. Donc, mine de rien, ils ont déjà le tiebreaker sur nous. C'est-à-dire qu'ils ont déjà 2 victoires. Donc, est-ce qu'ils vont nous sweeper ou pas ? Je pourrais me permettre une petite remarque. On peut les jouer 4 fois si on les retrouve en cup. En cup, exactement. Tu as raison. Tu as raison. Donc, on peut. Mais en régulière classique, alors on peut les retrouver en cup si on se fait éliminer, qu'ils se font éliminer, parce que les calendriers sont un petit peu remixés après en fonction des équipes qui passent et des équipes qui se font éliminer. Mais oui, on est déjà à 2 défaites contre eux. Il serait bon ton d'arriver à s'imposer face à cette équipe. Est-ce qu'ils vont nous sweeper ou pas? Est-ce qu'ils vont faire un sweep de saison ou pas? On verra. Et donc, c'est la plus grosse affiche. Eh ben, je te rejoins, hein. Je vais te re-suivre sur cette affiche, même si celle des Celtics, je suis curieux de voir comment ça va se passer au TD Garden. Est-ce que les Knicks vont rester sur leur bonne dynamique de victoire? Parce qu'on est sur 4 victoires consécutives, pourquoi pas pousser la série? Mais non, clairement le match sur de la viewing, en plus toujours hein, une horaire un petit peu plus accessible, acceptable pour nous, Français, ça nous permet de dormir un peu plus. Hein. et puis de fêter ça avec les adhérents de l'association. Donc oui. Le match face au Magic, on l'attend de pied ferme et on a envie vraiment d'un match des Knicks où on est capable d'aller taper ce Magic pour les remettre à leur place. Jusqu'à présent, ils sont derrière nous au classement de la régulière, ben, ça serait bien qu'ils le restent et ça passera entre autres par une victoire face à eux. Donc, ok, on est aligné. Alors maintenant, est-ce que sur le prono, on est aussi aligné que la semaine dernière? Toi, tu pensais qu'on allait perdre contre les Hornets. Peut-être que tu vas penser qu'on va perdre contre les Hornets cette semaine. Et pourquoi pas? Moi, je pensais qu'on allait perdre contre les Raptors. Bon, je me suis trompé. Au final, on s'est trompé tous les deux. Et ben, pour une fois, c'est moi qui vais me jeter d'abord. Vas-y. Sur les pronos. J'ai fait en début de saison pas mal de 4-0. Est-ce que là, je suis passé à côté d'un 4-0? Est-ce que cette semaine... Non. Je pense qu'il y aura un petit faux pas. Est-ce qu'il y en aura un ou il y en aura deux? Si, qu'il y aura Ce faux pas, moi, je le vois plutôt au TD Garden. Je le vois contre les Celtics. Et après, je nous vois gagner nos trois matchs à la maison. Même s'il y a un back-to-back, même si Charlotte, c'est pas l'adversaire le plus compliqué en back-to-back, je pense que, ouais, peut-être que le TD Garden, les Celtics, il y aura une sorte de supplément d'âme. Ils auront un désir de revanche. Et je nous vois tomber face à ces Celtics. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés chez nous. Mais peut-être qu'un soir où on a moins d'adresse que ce qu'on a pu avoir sur les matchs de la semaine dernière. Eh ben ouais, ça va être plus compliqué pour nous. Est-ce que Karl Anthony Towns va faire un bon match cette semaine? Il y a matière quand même, il y a moyen, il y a des raquettes qui devraient lui permettre de à commencer par celle de Boston. Bah, à commencer par celle de Boston qui a jamais été réputée comme une grosse raquette, même les années où ils étaient champions. Mais pour autant, voilà, est-ce que notre gros chat va bien performer? Je sais pas. Mais voilà, je vois un faux pas. Alors, pas un match où on se prend un blowout, pas un match où on perd, où on n'est pas du tout dans la rencontre, mais un soir où l'adresse n'est pas là, et puis finalement, on balbutie notre basket à un moment où il aurait fallu justement s'imposer et dominer l'adversaire. Bah ouais, je nous vois tomber. Je me trompe peut-être, sûrement, j'espère, en tout cas. Face aux Celtics chez eux. Voilà, ça sera pour moi ça. Et après, pour le reste, Charlotte. Est-ce qu'on a peur de Charlotte? Non. Est-ce qu'on a peur du Jazz? Oui, ça peut être le match piège. C'est un match du vendredi soir. Voilà. Le Magic, ça risque d'être compliqué. Hein. En plus, c'est un match tôt. C'est celui-là. Qui nous complique la vie. Mais cette fois-ci, je ne sais pas. J'ai envie que ça tourne de notre côté. Du coup, c'est plus l'envie que la sécurité, la garantie de gagner contre le Magic. Voilà. Moi, c'est un petit 3-1. En espérant éviter le 2-2 qui serait une défaite en début et fin de semaine. Voilà pour moi, 1-3-1. Toi, Seb, t'as toujours peur de Charlotte? Écoute, une fois n'est pas coutume. La Melo Ball. Ah, oh, oh, attention. Oui. Le 4-0, le 4-0. On est en forme, on est là, et on est confiant. Ok, d'accord, on joue Boston à Boston, un Boston... Il faut pas, ok, il faut pas les prendre par-dessus, faut pas les regarder par-dessus l'épaule, mais il faut pas non plus en faire une équipe plus belle que ce qu'elle est. On a les armes pour pouvoir lutter contre eux. Et d'ailleurs, on joue trois matchs à la maison, deux contre des équipes mal placées. Il faut les dérouiller comme on a fait, qu'on a fait précédemment. Et ensuite, eh ben, allons, on va pas se laisser marcher dessus une deuxième fois contre les Orlando Magic, aussi fort soit-il, même s'ils ont le retour de Paolo Banchero. Nous, on a quand même une équipe qui est très sérieuse. Donc, je dis, allez, c'est parti, quoi. Cette semaine, 4-0, on les dérouille. On dérouille tout le monde. On y va. Et c'est tout. Et c'est Noël. Allez, hop. Black Friday, tout ça. Hop, on claque le PSG. 4-0. Ok, ok. Ce qui nous ferait une série de 8 victoires consécutives. Eh ben alors, voilà. De quoi et se lancer. Et là, on reparlerait des Knicks comme peut-être candidat. Oui, finalement... Ok. J'aime ton pronostic. J'aime. J'aurais voulu le faire, mais j'ai pas osé. Je sais pas. Je me suis dit, bon, allez, en plus, on affronte deux équipes qui sont en back-to-back. Machin. Allez, on y va, quoi. On n'a pas peur. Ok. Bon, la Cup, c'est pas pour cette semaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Donc, ça, on en parlera en temps et en heure voulu. On aura aussi le résultat de ces quatre matchs. Vous n'oubliez surtout pas la KNF Viewing Party, la première de régulière, puisque la première qu'on a fait cette saison, c'était de la pré-saison. Là, ça joue pour du vrai, pas pour du beurre. Voilà. Il reste également quelques places, c'est encore possible de s'inscrire pour le voyage associatif. Vous savez où retrouver les informations si vous avez envie de voir les futurs champions NBA que sont les New York Knicks, ou les Denver Nuggets, ou les Washington Wizards. Non, les Wizards, je crois pas. Hein, je crois pas. Les Nuggets, je sais pas. Les Knicks, je sais pas. Les Wizards, je suis sûr que non. Eh bien, c'est encore possible. Est-ce que tu me permets de pouvoir faire un petit... Dédicace, big up. Ouais. Oui. Aujourd'hui, au 1er décembre 2025, est un jour plutôt particulier, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous voyez tout le temps, à qui vous parlez régulièrement. Je vois pas qui ça peut être. Président de la New York Nation France, c'est-à-dire... Knicks Nation, New York Nation. C'est-à-dire, mon voisin est dessus, c'est son anniversaire, alors je ferai pas l'affront de dire son âge, mais en tout 44, cas... 44, 44. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, merci. Joanie. J'espère que l'Enix te fera un beau cadeau avec le 4-0, d'accord? T'as vu, c'est moi qui t'ai fait le cadeau, je t'ai dit, allez, 4-0, on y va. Ah, ça vient de là, ça vient de là. Donc, maintenant, je comprends. Donc, écoute, joyeux anniversaire, Joanie. Voilà, et mettez, je te dis un joyeux anniversaire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas, inondez les commentaires de Happy Birthday, de Happy B-Day. Mr. President, ouais, ok, ok. Et oui, effectivement, je suis encore un peu plus vieux aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que je me rapproche pas du titre d'Enix qu'on attend depuis un moment. Je suis peut-être vieux, mais j'ai pas connu de mon vivant les titres des années 70. Je suis né que dans les années 80. Donc voilà, effectivement, un jour, j'espère, avant ma mort en tout cas, j'espère, voir de mon vivant un titre d'Enix. Et ouais. Mais si, rappelle-toi, pas un jour, pas une semaine, ah, tu parles. Tu peux retrouver les papilles encore sur YouTube. Ah, c'est pas les conneries de les bazar du grenier, c'est les conneries de Papy Jou sur YouTube. Voilà, voilà. Et bah oui, effectivement, je prends un an de plus. Comme chaque année, à la même période. Il faut... Dingue, ça. Moi, mon anniversaire, il tombe en septembre, donc du coup, nous, on n'a pas repris là, on n'a pas repris les vidéos. On est que dans les previews. Allez, et ben oui. Allez, sur ce, bah du coup, on va rendre l'antenne, parce qu'on est déjà à plus de 20 d'émissions. Bon, et pas de tapage, hein. Rendez-vous. Laisse dormir, hein, pas de tapage. Je vous rassure, c'était de l'eau, je traque un peu. Quand on est vieux, faut boire de l'eau. Sur ce, bonne semaine à toutes et à toutes. Rendez-vous dimanche pour la viewing party et puis rendez-vous lundi pour le débrief de tout ça sur KNFTV pour l'épisode 138. Là, le 137, c'est finito. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et let's go Knicks. Ciao ciao. 4-0. 4-0.